troisième temps de notre série consacrée aux archives essentielles ou non. Ce matin, dans cette émission du mercredi que toute l'équipe de la Fabrique de l'Histoire appelle l'émission d'archives du mercredi, eh bien nous parlons des archives audiovisuelles. Après avoir abordé lundi les archives départementales, puis hier nous être penchés sur les particularités des archives de partis, de syndicats ou encore de chercheurs, et avant demain de nous demander ce que l'État attend des archives, nous allons ce matin nous intéresser donc aux archives audiovisuelles et cinématographiques. Pourquoi ont-elles été longtemps considérées comme à part? En quoi sont-elles d'ailleurs si différentes ou pas des autres types d'archives? Voilà quelques-unes des questions que nous poserons avec Anaïs Quin qui coanime cette émission avec moi et avec nos trois invités, Christophe Gauthier, il est professeur d'histoire du livre et des médias à l'école des Chartes et co-directeur des mélanges Pascal Horry qui viennent de paraître. Hélène Fleckinger, maîtresse de conférences en études cinématographiques à Paris 8 et chargée des archives à l'occasion du cinquantenaire à venir de l'Université Paris 8 justement. Et Sylvie Lindeperck sera également avec nous, elle est historienne, membre de l'Institut Universitaire de France, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et co-directrice avec Ania Szczepanska d'un livre qui vient tout juste de paraître à la Fondation des Maisons des Sciences de l'Homme dans la collection Intervention et qui s'intitule « À qui appartiennent les images ?» Et bonjour à vous Anaïs Quin. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Hélène Fleckinger. Bonjour. Bonjour Christophe Gauthier. Bonjour. Merci d'être là, ainsi que Sylvie Lindeperck, bonjour. Bonjour. Alors dans ce petit livre dont je viens de parler, et qui va peut-être nous servir un peu de colonne vertébrale à notre discussion d'aujourd'hui, qui est un livre absolument formidable, il faut le dire, que vous avez co-rédigé comme directrice avec Ania Szczepanska, mais aussi avec beaucoup d'autres auteurs qui viennent paraître à la Fondation des Sciences de l'Homme, eh bien vous réfléchissez à la particularité des archives et des images audiovisuelles par rapport à tout un tas d'autres types d'archives. Et vous dites, pendant longtemps, Sylvie Lindeperck, on a considéré que c'était quelque chose à part, ces archives audiovisuelles, et qu'il fallait... Elles n'avaient pas exactement le même statut que les autres archives. Oui, en effet, les images audiovisuelles sont... On pourrait dire des images, des archives presque comme les autres, mais pas tout à fait comme les autres. Elles ont été pensées comme archives de manière extrêmement précoce. Dès le départ. Dès l'invention du cinéma. Et je vois, Anaïs, que vous avez le livre de Matuszewski, ici. Apporté par Christophe Gauthier. Voilà, qui a été un opérateur et photographe polonais qui, dès 1898, a pensé l'image comme archive et en tout cas à imaginer que le cinéma pouvait être une source pour l'histoire. Donc, restitution du monde d'une certaine façon. Oui, et également enregistrement des opérations du pouvoir, mais avec cette idée que avec le temps l'image devenait archive, qu'il fallait la conserver. Donc très vite cette idée s'est fait jour, mais dans la pratique les images n'ont pas immédiatement été conservées et par ailleurs il faut bien prendre en compte qu'il y a toute une série d'images qui deviennent archives par le geste de l'archiviste, par le geste de l'historien qui va les élever au rang d'archives. Et donc, de ce point de vue-là, on a vraiment deux catégories d'images qui ont un statut un peu particulier par rapport aux archives écrites. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer un peu dans le livre, notamment avec l'entretien de Agnès Magnien, qui dirige les collections à l'INA, mais qui avant était aux Archives nationales. Elles ont à la fois, on pose à ces images d'archives les mêmes questions, mais les réponses sont plus complexes, notamment en raison de l'illisibilité des documents audiovisuels. Anaïs Quin. On reviendra sur cette question de la lisibilité peut-être, mais y a un élément déterminant peut-être pour parler de cette reconnaissance tardive par les pouvoirs publics des archives audiovisuelles. Christophe Gauthier, la création des archives du film français dans le cadre du CNC, donc par l'État français, c'est 1969. Et le dépôt légal, l'INA, c'est 1992, je crois, la loi. Alors, oui, ça se passe en plusieurs temps. Appliqué véritablement à partir de 1995. Puisqu'en réalité, il y a un dépôt légal des films dès 1977, mais qui intervient, comme chacun peut le constater, bien des années après l'invention du cinéma. Donc, le paradoxe, c'est que, dans le cas français, pays prétendument jacobin, dont, justement, l'intervention publique en matière d'archives a été très précoce, en réalité, pour ce qui concerne d'abord le cinéma, avant de parler d'audiovisuel, les choses s'enchaînant, peu ou prou, on va dire, l'intervention des pouvoirs publics est extrêmement tardive, puisque finalement la pratique archivistique, la collecte archivistique, est en quelque sorte déléguée, plus ou moins consciemment, à des structures soit associatives, c'est le cas des cinémathèques en France, la Cinémathèque française est une association, loi 1901, la Cinémathèque de Toulouse également, ou à des structures privées, donc des sociétés de production, des catalogues, ce qu'on appelle aujourd'hui des catalogues d'ayant droit, avant, en effet, très tardivement, que les pouvoirs publics ne prennent, en quelque sorte, cette responsabilité, à la suite, d'ailleurs, il faut le dire, de ce qui s'appelle aujourd'hui l'affaire Langlois, c'est-à-dire la rupture entre la Cinémathèque française et le ministère de la Culture. Oui, ça veut dire, en l'occurrence, Christophe Gauthier, qu'est-ce qui explique, selon vous, ce presque comme les autres qui vient d'être avancé à l'instant même par Sylvie Lindeperg? Ce sont des archives presque comme les autres. C'est peut-être ce qui explique justement ce que vous expliquez, c'est-à-dire que l'État s'y est pas intéressé tout de suite, etc., etc. Alors, je pense qu'il y a peut-être... Bon, il y a plusieurs éléments. À mon sens, en fait, il y a un premier élément qui est certainement le manque de légitimité, en quelque sorte, du support cinématographique. Et Sylvie Lindeperg l'a rappelé. Dans un premier temps, on envisage la constitution de dépôts d'archives en envisageant le cinéma comme une source pour l'histoire, ce qui d'ailleurs va demeurer jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, pour une partie des archives audiovisuelles. Il y a en réalité deux paradigmes qui coexistent. Il y a les archives envisagées comme sources historiques et les archives audiovisuelles et le cinéma envisagé comme finalement autant d'œuvres d'art dont il faudrait collecter les œuvres à des fins d'une écriture d'histoire de l'art. Et donc ces deux paradigmes coexistent et expliquent peut-être ce décalage, ce hiatus en quelque sorte, entre la prise en compte par des opérateurs privés de la collecte des documents qui font source et la tardive prise de conscience par les pouvoirs publics. Alors, une première archive dans cette émission d'archives du mercredi, Naïs Quien. Oui, Christophe Gauthier, puisque vous évoquiez Henri Langlois, donc ce grand personnage de la Cinémathèque française, une interview faite par Simone Dubreuil en 1954, justement sur ce qu'il faut conserver des archives du cinéma et comment. Nous avons 50 000 films. Ciel. Et est-ce qu'ils demandent des soins particuliers pour leur conservation? C'est-à-dire qu'ils demandent surtout d'être traités comme des êtres vivants. C'est-à-dire que la folie des gens, c'est d'imaginer que la matière, c'est une chose inerte. Or, le film, plus que toute autre matière, n'est pas inerte. Et je crois que si on traite le film comme un objet, c'est de la folie. Il faut le faire respirer. Non, ils ont un corps physique. Il faut les faire respirer. Il faut les projeter dans des machines. De temps en temps, pour qu'ils ne s'endorment pas, qu'ils ne sèchent pas. Non, mais parce que la projection protège au lieu de détruire, contrairement à ce que racontent les gens. Seulement, d'autre part, si on le projette dans des machines, il s'oreille, alors il s'abîme. Alors c'est un cercle vicieux, en somme. Oui, mais enfin, ça peut s'arranger. Dites-moi, j'ai aperçu tout à l'heure une petite étoile de mer. Alors, c'est tout de même une collection d'objets assez spéciale. L'étoile de mer auquel vous faites allusion est un objet, évidemment... qu'on peut trouver n'importe où, sur les plages. Mais cette étoile de mer dans ce bocal, c'est l'étoile de mer qui a servi au film de Man Ray et de Death Note, l'étoile de mer. Quel âge a-t-elle, donc? Elle doit dater de 25, au moins 28. Ces objets bizarres, qui étaient hétéroclites, qui vous paraissent hétéroclites, permettent de recréer l'atmosphère dans laquelle les œuvres ont été créées. Parce que vous avez aussi des costumes d'époque et différentes choses, je vois. Exactement, parce que nous avons l'idée d'un mu de fer d'un musée du cinéma, qui sera un musée des vocations, un musée où les gens passeront à travers tous les styles, toutes les époques, toutes les tendances. Lorsqu'ils arriveront au bout du musée, dans la salle de projection, ils auront revécu toute l'histoire du cinéma. Depuis la lanterne magique, et même avant. Un extrait d'une interview donc de Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française en 1954, par Simone Dubreuil. Donc on voit bien cette volonté d'exhaustivité, par exemple, de Langlois. Il faut tout prendre, y compris ce qui a servi à faire les films, Christophe Gauthier. Oui, il faut tout prendre, et c'est très intéressant. Il faut prendre donc ce que les cinémathécaires, entre guillemets, appellent le non-film, comme le film, c'est-à-dire tous les documents afférents au film comme le film, à des fins, on le voit bien, on l'entend très clairement hein, dans cette passionnante interview de Langlois, à des fins de documentation pour l'histoire du cinéma, entendu à comme l'histoire d'un art, donc à des fins muséales en effet, à des fins de constitution de ce qui est, rappelons-le, l'autre nom de la Cinémathèque française, c'est-à-dire le musée du cinéma. Mmh. Alors par ailleurs, cette interview pose aussi la question des supports, qui n'est pas moins passionnante. Alors il faut tout conserver, mais en même temps, il y a d'autres cinémathèques qui ont d'autres visions de la conservation des films, en l'occurrence Anaïs Quin. Oui, voilà, peut-être une autre archive qui date de 91 cette fois-ci, j'ai pas trouvé d'archives des années 50, de Raymond Borde de la Cinémathèque de Toulouse, qui explique à Michel Simon en 1991 sa conception de ce qu'il faut garder, qui est bien plus large d'ailleurs que celle d'Henri Langlois. Tout de suite. Alors comment faire, quels sont les critères pour, disons, de priorité? Parce que comme on ne peut pas tout sauver, parce que le budget de l'État qui est déjà considérable, je crois que la France fait un effort plus important que la plupart des pays en ce moment, actuellement, pour sauver les films nitrates, comment faire pour choisir ceux qu'il faut sauver en priorité et en espérant qu'ensuite tout sera sauvé? Alors là, il y a une tentation de sauver les films des cinéastes connus. Bien sûr, cela correspond à un besoin culturel. Je ne suis pas tellement persuadé qu'il faille faire ce critère de sélection. Je pense que dans chaque cinémathèque, on devrait sauver aussi des films apparemment du deuxième rayon et qui se révèlent aujourd'hui importants comme témoignages sociaux. C'est-à-dire, par exemple, des films qui parlent de l'affaire Dreyfus, par exemple, oui. Ou bien l'alcoolisme. C'est exactement, ça que vous voulez dire? Oui. Mais en même temps, tout de même, s'il y a un film de René Clair ou un film d'Isabel Gance à sauver... Oui, seulement voilà, les René Clair et Isabel Gance sont dans toutes les cinémathèques du monde. Par contre, il n'est pas évident que Dédé de René Guissard soit autre part qu'à Paris ou à Toulouse. Ou alors des films qui préservent, par exemple, l'interprétation d'acteurs connus ou mythiques, comme Sarah Bernhardt, c'est-à-dire de sauver, au fond, un comédien, même si le film est médiocre. Ou des films très commerciaux, mais où toute une génération d'acteurs a participé. Par exemple, un film comme Le billet de 1000, de 1932, est un ave. Peu importe, il y a là 20 acteurs français connus. Voilà, on peut même conserver des navets, dit Raymond Borde de la Cinémathèque de Toulouse à Michel Simon en 1991, Christophe Gauthier. On doit conserver des navets, et je crois que on a là l'illustration parfaite justement de ce second paradigme qui vient finalement compléter celui mis en œuvre par Henri Langlois dès les années 30, c'est-à-dire une ambition de conservation exhaustive en réalité des films qui ne sont plus entendus comme autant de briques nécessaires à la constitution, à l'écriture d'une histoire du cinéma, mais bien comme autant de sources potentielles pour les historiens tout court, et pas seulement les historiens du cinéma. Et c'est bien là tout à fait révélateur d'une démarche qui va constituer aussi un type de collection, l'identité d'une collection bien distincte de celle de la Cinémathèque française à Toulouse. Hélène Flaquinger, vous avez travaillé, vous, sur les constitutions des fonds cinématographiques, en particulier des mouvements féministes. On évoquait hier la question des archives, des associations, des partis, des mouvements, etc. Et nous disions effectivement qu'il y avait un rapport complexe, parfois, avec les archives publiques, tout simplement parce que la plupart du temps, on conservait ou on ne conservait pas ce qui appartenait à son propre mouvement. Et si on le conservait, ça n'était pas toujours dans le même but qu'une institution patrimoniale d'État, par exemple, ou de collectivité territoriale pouvait avoir pour pouvoir conserver des documents, Hélène Flaquinger. Et pas avec les mêmes moyens, d'ailleurs, peut-être. Oui et bon, évidemment, il existe des films féministes et plus largement des films d'intervention politique et sociale, heureusement, dans les cinémathèques et dans les institutions publiques telles que la BNF, par exemple, qui est chargée du dépôt légal des vidéogrammes. Mais c'est vrai que pendant longtemps, finalement, cette initiative de conservation des films, disons, de nature plus politique et en particulier féministe, ont été le fait d'initiatives privées, militantes. L'idée étant à la fois de conserver une mémoire des mouvements antérieurs, je pense particulièrement aux la constitution du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir en 1981, dont le but était précisément de conserver tout ce qui avait été produit en termes de vidéos des premiers temps en lien avec le mouvement de libération des femmes. Mais ces fonds-là n'étaient pas jusqu'alors préservés ailleurs. Et le but, il était de conserver une mémoire, mais finalement aussi pour participer à un mouvement militant et enrichir un mouvement militant dans le présent. Et profitons-en, Hélène Flequinger, pour dire que nous avons lancé plusieurs fois un appel dans cette émission à la préservation de la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, qui est la bibliothèque donc, qui conservait des archives du mouvement féministe, et elle est conservée dans le lieu qui était le sien jusqu'alors, c'est-à-dire la médiathèque Jean-Pierre Melville. Il faut saluer donc ce maintien dû à un combat de beaucoup d'historiennes et d'historiens d'histoire des femmes et du genre qu'il faut là aussi saluer. Anaïs Quien. Alors écoutons tout de suite un extrait d'un film de Carole Roussopoulos que vous nous avez envoyé, Hélène Flequinger. Voilà. Et c'est Monique qui parle de l'absence de considération des femmes au sein du mouvement des LIP en 1976. Je vais te raconter un petit peu ce qui se passe chez LIP à propos des femmes. Hein. Mais je vais remplacer à chaque fois le mot homme par le mot blanc et le mot femme par le mot arabe. Alors à chaque fois que je dirai des arabes, ça veut dire des femmes. Alors donc, chez LIP, il y a la moitié de blancs, la moitié d'arabes. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grands chefs arabes. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les arabes, on pense. Moi, je sais, puisque je suis un arabe. On réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. Alors seuls les grands chefs blancs mènent la lutte. Et nous, les Arabes, on suit. Remarque qu'il y a aussi, à part les Arabes, il y a des blancs qui ne sont pas des grands chefs. Il y a beaucoup de petits blancs. Ils n'ont pas beaucoup la parole. Mais quand même, quand ils disent quelque chose, c'est moins mal vu que quand c'est un Arabe. Et ces petits blancs, dans certains cas, ils sont quand même du côté des grands chefs blancs. Par exemple, en ce qui concerne les problèmes d'arabes. C'est vrai, les arabes, on a des problèmes d'arabes. Puis les blancs, ils ne peuvent pas comprendre, tu vois, ça les dérange. Par exemple, on n'a pas les mêmes maladies qu'eux. Ces arabes, ça a un ventre compliqué. Les grands chefs blancs, ou tous les blancs d'ailleurs, quand ils ont des maladies, c'est des maladies nobles, c'est des choses vraies, des problèmes sérieux. C'est pas comme ces arabes qui se plaignent pour tout et pour rien, et qui dérangent. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Une fabrique de l'histoire avec Anaïs Quien, Sylvie Lindeperg, avec Christophe Gauthier et avec vous justement Hélène Flequinger qui nous avait fourni cette archive tirée du film de Carole Roussopoulos donc sur les LIP en 1976. Une archive dont on pourrait dire qu'elle est parfaitement d'actualité aujourd'hui à l'occasion des débats à la fois sur l'écriture inclusive mais aussi sur les questions de sexualité après l'affaire Weinstein. Mais en l'occurrence, c'est une archive qui dit quelque chose d'un combat, d'un moment et qui peut être utile encore aujourd'hui aux historiennes et aux historiens. Hélène Flequinger. Oui, alors c'est un document tout à fait précieux, effectivement, qui est conservé où d'ailleurs ? Qui est conservé au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir et à la BNF. Heureusement, il a été entre-temps, depuis 1976, conservé dans diverses institutions. Mais en fait, on l'a retrouvé il y a relativement peu de temps, au début des années 2000. Il n'avait pas circulé depuis 1976. Alors ça, c'était un document qui avait été proposé donc par Monique Piton, qui était militante donc aux usines LIP à Besançon, usine d'horlogerie. Et le but était pour elle, évidemment, de faire passer l'idée d'un sexisme des militants, essayer de faire comprendre, finalement, l'oppression subie par les femmes était une oppression discrimination donc extrêmement forte, et surtout le sexisme était compris comme un racisme de genre ici dans l'analyse, et ça avait été diffusé dans les milieux militants, devant les militants eux-mêmes, et ça avait eu un impact assez fort. Et donc usage de la vidéo légère au cœur même des luttes, donc c'est la question de la diffusion aussi qui se pose avec cette... cette archive. Anaïs. Et puis ce qu'on entend très bien aussi, je trouve, c'est cette création collective, c'est-à-dire que ça n'est pas Roussopoulos qui pose sa caméra devant cette femme, Monique Python, et qui recueille ce qu'elle a à dire, que la caméra soit là ou non. On entend bien cette élaboration collective. Oui, enfin là c'est quand même Monique qui avait préparé son petit sketch et qui avait dit viens Carole, est-ce que tu peux venir filmer. Voilà. Mais elle propose une séquence. Mais elle propose une séquence effectivement, et c'est assez long en fait, ça dure en tout 8 minutes. Mmh. Et c'est tout un discours qui était en partie écrit, en partie improvisé devant la caméra. Et dans la réaction que je viens d'avoir en écoutant cette archive, Sylvie Lindeperg, il y a toute l'ambiguïté de cette archive audiovisuelle, puisque j'ai dit regardez, c'est une archive, ou écoutez, c'est une archive qui nous dit quelque chose aujourd'hui, et c'est toute l'ambiguïté de l'archive audiovisuelle, c'est d'avoir l'impression de nous donner l'impression de la présence physique alors qu'elle est fantomatique de ces extraits d'archives anciennes, justement des années 70. On est entre le présent dans lequel nous vivons et nous regardons ces films, et on est dans une sorte de passé que l'on ne veut pas voir. On contracte le temps entre ce passé et aujourd'hui grâce à l'archive audiovisuelle. Oui, dans toutes ces opérations d'enregistrement des images et des sons, il y a en même temps une projection sur le futur. Hein. Derrida dit que l'archive, c'est vraiment une visée irréductible du futur. Et toutes les pensées sur l'archive ont aussi pris en compte le fait que l'archive se bonifie aussi avec le temps, se transforme avec le temps, et fait l'objet d'opérations de lecture qui changent en fonction du contexte et du temps présent. Et par ailleurs, vous l'avez bien souligné, au fur et à mesure que le temps passe, on est aux prises avec des images qui sont de plus en plus spectrales, des images et des sons. Et d'une certaine manière, l'image a cette capacité, le son également, de conserver les voix, de conserver les visages de ceux qui ne sont plus. Et de ce fait, il y a quelque chose d'un rapport aux morts, d'un rapport à la disparition. D'un effet de présence aussi. C'est ce et que... évidemment, qui se conjugue avec un effet de présence. Donc c'est ce qui fait aussi la force de ces documents-là, qui ramènent vers nous, à la lumière, des visages oubliés, disparus, et qui en même temps les rendent dans une espèce d'intimité si forte que, en effet, la difficulté qui se pose à nous, c'est précisément à la fois de les prendre dans leur apparition et en même temps de penser l'écart qui nous sépare, qui les sépare de nous. Anaïs Kien. Oui, ne pas se laisser faire par cette impression d'image nue. Cette femme qu'on entendait, Monique Python, elle s'est préparée, elle a préécrit ce qu'elle nous a raconté. C'est-à-dire que cette idée rhétorique de remplacer le mot femme par le mot arabe, c'est une élaboration. Ça n'est pas quelque chose qu'elle fait tous les jours le matin en se levant, d'aller parler devant cette caméra et de faire ce type de démonstration. Il y a quand même ce mythe qui s'ancre profondément dans l'histoire des images d'archives, des images de cinéma, des images vidéo, des images audiovisuelles. C'est la question de l'objectivité, de cette vérité nue qui tue d'une certaine façon perpétuellement l'usage de ces archives. On ne pourrait jamais contester d'une certaine façon parce qu'elles seraient des preuves incarnées et indéboulonnables. Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a le fait qu'il y a mise en scène au sens où il y a une opération devant la caméra, une conscience aussi de la présence de la caméra. Et dans le même temps, cette croyance très ancienne, je parlais tout à l'heure de Matuszewski, que l'image non seulement va faire preuve, mais qu'elle va presque encapsuler le réel et nous le restituer. On parle à l'époque, les contemporains de l'invention du cinématographe parlent de l'image qu'on va faire vieillir comme le bon vin et qui nous restituera la vérité, la et vérité qui va toute nue. L'historien même. Et oui, on et aura là, pas besoin oui, des oui, historiens. On va remplacer les historiens par des montreurs de lanternes magiques, et on ajoute que bien des erreurs seront épargnées à nos petits enfants. Mais précisément ici, et c'est peut-être le danger de l'image aussi, c'est qu'il y a un court-circuit de l'interprétation. C'est l'oubli que l'image s'interprète sans cesse en fonction des questions qui sont évidemment les questions du présent. Comme toute archive. Christophe Comme Gautier. Comme toute archive, absolument. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'était au regard, justement, de ce qu'évoquait Anaïs Quin, c'est-à-dire cette prétendue objectivité qui fait un peu obstacle, voire écran, justement, à la lecture, à l'interprétation des images. Là, on est dans le cas d'une archive documentaire, on va dire. Il va de soi que dans le cas de la fiction, ça a été aussi le cas. Si je reprends l'exemple de Borde fait tirer des photogrammes de la plupart des grands films soviétiques des années 20. Donc Raymond Borde de la Cinémathèque de Toulouse dans les années 70 pour concevoir une exposition qui va, d'après lui, donner à voir justement la réalité de la vie soviétique dans les années 20. Mais évidemment, toutes ces images proviennent de films de fiction. Alors, ça ne veut pas dire que le postulat soit entièrement faux, ce n'est pas du tout le cas. Mais néanmoins, c'est justement la manière dont finalement une matière fictionnelle se transforme par le biais d'ailleurs d'opérations de transfert de support, en l'occurrence, en une matière archivistique, avec donc cette volonté de, en quelque sorte, surmonter la démarche fictionnelle qui présidait au départ à la conception de ces objets filmiques. C'est-à-dire qu'il faut toujours le prendre, Hélène Fleckinger, comme un outil d'interprétation, enfin un support à l'interprétation de l'universitaire, du chercheur, c'est-à-dire ne pas prendre, comme le disait Anaïs Quin, ce que nous avons sous les yeux comme une matière brute. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait un des premiers historiens du cinéma, Marc Ferro, quand il a pris justement ces films soviétiques de fiction en s'y intéressant comme étant un reflet possible d'une réalité soviétique qui n'était pas dite, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient non dites dans ces fictions, en l'occurrence Hélène Fleckinger. Oui, mais il faut aussi du coup systématiquement se poser des questions sur le contexte de production, de production économique, comme politique, exactement, socioculturelle et technique. Ça, c'est un paramètre qu'il ne faut vraiment résolument pas oublier, la question de la technique, la question des supports. C'est pas la même chose si un film, d'ailleurs qu'il s'agisse de fiction ou de documentaire, là, à la limite, qu'importe, mais c'est pas la même chose s'il est produit avec des supports photochimiques, donc argentiques, ou en vidéo légère, en vidéo analogique, ou désormais numérique, etc. Et puis, outre les questions évidemment de production, c'est la question de leur circulation, de leur diffusion, la question de l'usage des images, de l'usage au cours du temps, de leur transformation, etc. Et de l'usure des images, mais ça, on y viendra. Et de l'usure. Anaïs Quin. Il y a quand même quelque chose d'étonnant, Sylvine Depergue, tous ces espoir, cette croyance dans la vérité de ces images qu'on invente à la fin du 19e siècle, on a la sensation d'un raté historique. Pourquoi les a-t-on finalement si maltraitées, ces images? Elles devaient être tellement, elles semblaient tellement réelles qu'elles en devenaient monstrueuses et qu'on s'en est méfié. Il n'y a pas seulement cette question de la noblesse ou de la non-noblesse de la matière. Il y a aussi peut-être quelque chose qui ressort d'une peur de cette vérité absolue mise en bouteille ou mise en capsule. En tout cas, les images comme, imaginées comme preuves peuvent faire peur, hein, puisque on dit elles vont rétablir les faits une fois pour toutes. Et ça, c'est quand même évidemment très inquiétant. Or, heureusement, elles ne rétablissent pas les faits une fois pour toutes. Elles font l'objet de questionnements sans fin. Après, leur destin, effectivement, il est assez contrasté, parce que il y a eu la volonté, Christophe le rappelait, hein. Alors, il faut peut-être pas confondre tout à fait les films qui ont un destin particulier que Christophe a rappelé, et puis les images d'archives, parce que là, on a quelque chose de beaucoup plus erratique. On a des conservations privées d'images, des conservations publiques d'images. Mais si on réfléchit à la manière dont, par exemple, les historiens ont avancé avec les images, les historiens de contemporaines, il y a eu peut-être en effet la difficulté d'accès à ces images pendant toutes les années 70, dont les pionniers ont fait les frais d'une certaine manière, mais sans doute une méfiance en effet, non pas de ce qu'elles étaient preuves, mais d'une espèce de difficulté méthodologique à travailler aussi avec l'image en mouvement, à lui adapter finalement la méthodologie requise pour d'autres types d'archives. Et de ce point de vue-là, elle n'avait pas non plus la noblesse de l'œuvre d'art, hein, je parle des images audiovisuelles. Alors il y a tout de même effectivement des cinéastes qui se sont emparés de ces images d'archives, on les remodelant, en les mettant à leur sauce, pourrait-on dire, mais une formidable sauce, comme Chris Marker, par exemple, un extrait du tombeau d'Alexandre en 1992. Cette photographie du prince Youssoupov a été prise en 1900, l'année de ta naissance. Pourquoi pas le jour de ta naissance ? Ça donnerait un bon départ à une histoire où le miracle est simplement une forme un peu plus attentive du quotidien. Un jour, tu feras des films. Un jour, il tuerait Raspoutine. Vous étiez contemporain et vous étiez compatriote. À part ça, vous viviez dans deux mondes plus éloignés l'un de l'autre que la Terre de la planète Mars. Tu avais 13 ans, et les Romanov fêtaient leur tricentenaire. Quel film n'a pas montré cette procession des dignitaires? Et qui l'a regardé? Ce geste du gros bonhomme qui se frappe le front, que dit-il? Que l'assistance est fêlée? Non, il leur signifie d'ôter leur bonnet. On ne reste pas couvert au passage de la noblesse. J'imagine ce qu'un Machiavel russe aurait dû écrire à l'usage des puissants. Dominer, exploiter, éventuellement massacrer, n'humilier jamais. Un extrait du tombeau d'Alexandre de Chris Marker, donc celui dont on célébrera à l'occasion de mai 68 la vertu de grands cinéastes documentaires, entre autres Christophe Gautier. Quelle est la particularité du travail de Chris Marker à partir des archives des autres, d'une certaine façon? Il va chercher des archives, il met un commentaire de sa propre voix qu'il écrit sur ses films. C'est quoi justement cet usage particulier de l'archive audiovisuelle ou cinématographique chez Marker? Oui, je crois qu'en fait, il y a chez Marker quelque chose qui est tout à fait étonnant au regard de l'usage qu'on pourrait imaginer des archives aujourd'hui. C'est que Marker utilise les archives telles qu'il les prend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarche chez lui de restauration ou de rendre les archives, tentative de rendre les archives plus propres ou plus lisibles, justement. Ou recadrées, etc. Alors, non seulement il n'y a pas de recadrage, c'est-à-dire un respect de ce qu'on pourrait appeler l'intégrité des archives, respect du format, etc. Ça tient aussi au type de format qui était en vigueur de toute façon lorsque Marker travaillait dans les années 70-80. Mais de surcroît, il ne va pas y avoir de travail, parce que de toute façon la numérisation n'existait pas à l'époque, mais il n'y a pas non plus de tentative de rendre ces archives plus propres, de les harmoniser, de les homogénéiser, de les uniformiser en quelque sorte, comme on le ferait aujourd'hui pour n'importe quel film qui utiliserait les archives. Et je crois que c'est ça qui est admirable, c'est justement l'hétérogénéité du matériau qui demeure et qui constitue en soi justement cette sorte de collage qui est en soi une démarche d'historien, je veux dire. Hein, voilà. Et c'est en cela effectivement que c'est très différent de ce qu'on fait aujourd'hui, Sylvie Lindeperg, dans votre livre collectif que vous avez co-dirigé avec Anja Szczepanska à la Fondation des Sciences de l'Homme, la Maison des Sciences de l'Homme, qui s'appelle « À qui appartiennent les images ?». Vous réfléchissez longuement avec tout un tas d'acteurs de cette question de la conservation des images audiovisuelles sur les usages qu'en fait par exemple la télévision aujourd'hui, la colorisation, la resonorisation, le recadrage, comme le disait à l'instant même Anaïs Quien, effectivement avec un moindre respect, pourrait-on dire, du travail de l'auteur original et au bout du compte qui arrange presque tout le monde parce que ça permet de restaurer des films, ça permet cet argent que l'on va vendre parce que c'est un marché aussi, eh bien va permettre de restaurer un fonds, par exemple Sylvie Lindeperg. Ce que nous rappelons dans le petit livre avec toutes les personnes avec lesquelles nous dialoguons, c'est que on peut tout faire avec une image d'archive. L'objet du livre n'est pas d'établir des tables de la loi sur ce qu'on pourrait faire et ne pas faire. Tout dépend évidemment dans quelle perspective ces images sont retravaillées et peuvent être aussi manipulées de diverses manières. Et ce qui pose problème, c'est quand la colorisation, la sonorisation, aussi le recadrage, sont mises au service d'un discours qui proclame que tout le travail de mise au jour de ces images va permettre une plus grande vérité. Et là, il y a quelque chose, effectivement, qui pose problème quand des images, leurs coordonnées techniques, tout ce qui fait leur identité, va être maquillé, gommé au service de la vérité, ou même d'un surplus de vérité et de réalité. Là, effectivement, il y a un problème qu'on a essayé un petit peu de déplier dans le livre. Et très bien dans ce livre. Anaïs Quien. Oui, on a la sensation d'une méfiance vis-à-vis de ces images. On les grime, on les transforme, on les rend similaires à celles qui viennent d'autres fonds. Il y a quelque chose de l'impossibilité de les regarder finalement, ces images. Dans les documentaires qu'on voit très fréquemment à la télévision en ce moment, on a la sensation qu'il n'y a qu'une seule manière de faire du documentaire historique d'archives, c'est-à-dire que ces archives sont montées les unes après les autres, on n'identifie pas leur provenance, donc on a l'impression qu'elles viennent toutes du même fond, qu'elles ont toutes été faites par le même opérateur, elles sont colorisées de la même façon, donc ça uniformise encore plus cette impression de bandes dessinées, de bandes imagées commentée en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de silence sur les archives. Contrairement à ce que Chris Marker faisait dans cet extrait du tombeau d'Alexandre. On l'a un petit peu maltraité, cette archive, pour les besoins de l'émission, mais il y avait 40 secondes de musique, sans aucun commentaire, qui montrait des archives, justement, entre les deux passages de parole que vous avez entendus au cours de la diffusion tout à l'heure. Alors, si on reprend l'exemple de Marker, il fait deux choses. D'abord, il décentre le regard. Hein, c'est une scène de cérémonie officielle. Il va aller chercher des détails dans l'image. Et précisément, toute sa démarche est fondée sur les images. Les images sont le support à cette réflexion. Alors que, évidemment, dans ses films, elles viennent... Comme illustration. Oui, absolument. Et par ailleurs, cette hétérogénéité dont parlait Christophe est gommée précisément par la colorisation. Il s'agit de faire disparaître toutes les coordonnées des images au service d'une forme beaucoup plus lisse. Oui, on est hypnotisé par le son, d'ailleurs, plus que par l'image, d'une certaine façon. Le son est également omniprésent, parce qu'on est en apnée. Il s'agit d'être absorbé, d'être immergé dans l'image. Et puis on a regardé, on a écouté, d'une certaine façon. On n'a pas vraiment la place de choisir ce qu'on va faire devant ce film. C'est-à-dire que parfois, on cesse d'écouter. On pourrait cesser d'écouter pour regarder, ou regarder et ne pas écouter, ou écouter seulement le commentaire. Là, on est totalement hypnotisé, parce que tous nos sens, finalement, sont mobilisés en même temps, de manière très intense, sur toute la durée des films, de ces films, justement, de documentaires. On a parlé d'Apocalypse, mais dernièrement, les films aussi de Davin Cornrosa sont un peu sur ce même modèle, de longues bandes d'archives recolorisées, avec un commentaire omniprésent qui hypnotise complètement le spectateur, oui. Et empêche un petit peu le spectateur à la fois d'isoler le commentaire pour essayer de comprendre ce qu'il entend, et d'isoler aussi le regard pour comprendre ce qu'il a sous les yeux. Sylvie Perry. Oui, il s'agit d'abord de mettre ces images au goût du jour, et par ailleurs d'éviter de créer un espace critique pour le spectateur. Mmh. Et c'est là, évidemment, que ces films posent problème. Et Hélène Fleckinger, c'est une question aussi, parce que la particularité, c'est comme ça que je l'imagine, en tous les cas, je me trompe peut-être, de ces archives audiovisuelles, c'est qu'elles sont marchandes, marchandisables, marchandisées, et qu'au bout du compte, il y a un marché de ces archives audiovisuelles qui est un marché qui n'est pas rien, puisque j'ai appris en lisant le livre à qui appartiennent les images que ça coûte très cher de faire un film d'archives, alors que on pourrait penser qu'un film fait avec des images contemporaines, tourné par un cinéaste contemporain ou un réalisateur contemporain, coûte cher, parce qu'il faut mobiliser des moyens, etc. Mais ça coûte presque plus cher de faire des films d'archives, étant donné le marché de ce film d'archives, Hélène Fleckinger. Oui, effectivement. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une course à la recherche de nouvelles archives, d'archives en particulier amateurs ou peu connues, parce que là, pour l'instant, on parle finalement beaucoup de fonds qui sont déjà conservés, de fonds des cinémathèques évidemment existantes, mais aussi, donc je le disais tout à l'heure, des archives comme la BNF, comme l'INA, ou des fonds privés. Mais en réalité, il y a des fonds considérables, j'allais dire chez les individus, mm-hmm. eux-mêmes, dans les caves, les greniers, les placards, sur des supports diamateurs comme effectivement le Super 8 ou le 8 mm, ou, puisque je le citais aussi tout à l'heure, la vidéo légère, la vidéo des premiers temps dans les années 70, qui a été beaucoup utilisée par les militants, les militantes, mais aussi dans des contextes pédagogiques, pour des usages socioculturels, culturels, et pas simplement, par exemple, pour l'art vidéo. C'est ce que vous cherchez pour les archives de Paris 8, par exemple, qui avait un fonds audiovisuel dès le départ. Enfin, il y avait une section Absolument. Audiovisuelle à l'université de Vincennes, et on a donné des caméras aux étudiants, par exemple. Exactement. Dès la création, en fait, de l'université Paris 8, donc, qui a été ouverte en janvier 1969, l'audiovisuel a fait partie de la vitrine qui était cette nouvelle université expérimentale, et a été appropriée dans des cadres d'UE, donc d'enseignement expérimentaux. Et effectivement, il y a plein de films d'étudiants, des films d'enseignants, des films aussi militants qui ont été réalisés dans ce contexte-là. On a des fonds absolument considérables aujourd'hui à traiter. Plus de 2000 sont en cours de traitement à la Bibliothèque nationale de France, mais nécessitent, et ça c'est un autre aspect à mon avis important, outre la question technique, nécessite un traitement documentaire, c'est-à-dire un travail sur la contextualisation, de ces images d'archives. Je pense que c'est un point très important. Ça, Christophe Gauthier. Oui, dans le paysage archivistique contemporain dans le monde audiovisuel, hormis les grandes institutions publiques Bibliothèque nationale de France, CNC, dont on a parlé, les institutions à caractère associatif mais soutenues par la puissance publique, donc qui sont des institutions nationales comme la Cinémathèque française et la Cinémathèque de Toulouse. On a évidemment aussi mentionné l'INA. Il faut absolument mentionner l'ensemble des cinémathèques en région qui font un travail formidable de collecte depuis parfois une trentaine d'années de matériel amateur dont Hélène vient de parler, des films tournés en 8 mm, en 9,5 mm, des films tournés en vidéo, qui est un travail absolument considérable, qui est souvent assorti d'une numérisation de ces films, d'un travail aussi de collecte documentaire et de métadonnées, sans quoi il est impossible d'identifier et d'utiliser ces images, ce qui est fait c'est par... C'est pour ça que des cinémathèques régionales, par exemple, font des projections de certains films locaux pour que les gens se reconnaissent sur les films et qu'on puisse documenter qui sont les personnages qui sont en train de courir au bord d'une rivière ou de se baigner au bord d'un lac, par exemple. Et donc, toute cette masse archivistique absolument formidable, on voit bien que, lorsqu'elle est aussi parfois encore, je dirais, en main privée, elle peut faire l'objet d'un récit historique, mais qui, dans ce cas, peut entrer dans le champ d'une histoire intime. Je pense, par exemple, au film récent d'Éric Caravaca, Carré 35, qui est un film totalement bouleversant, d'une part, et d'autre part, qui utilise ce matériau archivistique privé, dont il est intéressant de constater, si on se place du point de vue de l'historien, que c'est ce matériau amateur qu'il est acceptable pour le public de voir dans un format qui ne soit pas déformé, avec les rayures d'origine, parce qu'il y a là peut-être aussi un aspect un petit peu comme ça, donc de vernis d'époque ou vintage comme ça, à pouvoir revoir ces images qui sont de toute façon retravaillées, mais avec, je dirais, leur patine d'origine. Et finalement, ça, c'est acceptable par le public, à la différence des archives qui sont utilisées dans les documentaires d'histoire. Donc c'est intéressant de voir comment le récit de l'intime s'est dissocié ici de documentaires d'histoire qui parlent, au fond, de la grande histoire. De la grande histoire supposée avec une grande hache, comme dirait Pascal Horry, quand il vient à cette émission. Si on continue, on peut dire effectivement que cette distance de temps, elle a une vertu, c'est qu'on voit des choses plus tard qu'on ne voyait pas auparavant. On ne connaît pas l'usage futur des archives. D'une certaine façon, on n'a pas du tout la maîtrise du regard à venir sur ces images. Et peut-être c'est ce qu'on va constater en écoutant cet extrait sonore du film de Haroun Farouki, Image du monde, inscription de la guerre. Le 4 avril 1944, le ciel était sans nuages. Des chutes de pluie avaient fixé la poussière de l'air. Des avions américains avaient décollé à Foggia, en Italie, vers des objectifs en Silésie. Usine à essence synthétique et de caoutchouc, Buna. En survolant les installations en construction des usines IG Farben, un aviateur déclencha l'appareil photo, prenant ainsi une vue du camp de concentration d'Auschwitz. Première image d'Auschwitz, prise à 7000 mètres d'altitude. Les photos prises en Silésie en avril 1944 furent soumises à un examen à Metmenham, en Angleterre. Les examinateurs décelèrent une centrale électrique, une usine de carbure, une de Buna et une d'hydrogénation d'essence. Ils n'avaient pas mission de rechercher le camp d'Auschwitz. Par conséquent, ils ne le trouvèrent pas. Ce n'est qu'en 1977 que deux employés de la CIA se mirent à la recherche et à l'examen des vues aériennes d'Auschwitz. Ce n'est qu'au bout de 33 ans que l'on inscrivit les mots, ces mots, Mirador et Maison du Commandant et Bureau d'enregistrement et Quartier Général et Administration et Clôture et Poteau d'exécution et Bloc 11 et qu'on inscrivit le mot Chambre à gaz. Un extrait du film d'Haroun Farouki. Sylvie Lindeberg, vous avez choisi cet extrait parce que, tout compte fait, on y voit bien que on n'y voit rien, comme aurait dit Daniel Arras, jusqu'à un certain temps. Et puis, on y voit quelque chose quand on veut chercher dans une image ce qu'on souhaite y trouver. Ce sont ces gens de la CIA dans les années 77 qui, à partir d'une même image, ont réussi à lire quelque chose que d'autres n'avaient pas vu auparavant. Oui, et qui commence d'abord par l'exhumer. Et comme le dit l'archéologue Alain Schnapp, toute exhumation est une fabrication, et ici une fabrication de sens. Et ce que montre très bien Haroun Farouki, c'est la configuration de lecture. C'est-à-dire qu'il faut à la fois du savoir historique qui a été transmis pour pouvoir interpréter ces images. Il y a aussi la question des dominances de la mémoire, puisque les années 70, c'est le moment où l'extermination des Juifs commence à émerger dans la mémoire collective. Il y a aussi un rapport différent aux images, un commerce avec les images, une demande sociale aux images qui varie à travers le temps. Ce film s'intitule donc « Images du monde, inscription de la guerre » d'Haroun Farouki. Si on arrive bientôt à la fin de cette émission consacrée à la particularité des archives audiovisuelles par rapport aux autres archives, vous vouliez rajouter une particularité en plus de celle qu'on a notée depuis le début de cette émission, Hélène Fleckinger. Alors même peut-être deux, puisque on a quand même parlé de la question technique un petit peu brièvement, mais il me semble que là il faut insister sur la fragilité de ces supports, qui est quand même assez singulière, et l'obsolescence programmée, évidemment, des matériels de lecture pour les lire, et en plus redoublée aujourd'hui de problèmes informatiques, évidemment, assez évidents, concernant donc les logiciels eux-mêmes, les formats, etc. Donc, je pense que là, il faut effectivement avoir cette conscience-là. Par exemple, les vidéos des premiers temps, donc supports qui émergent dans les années 70, aujourd'hui, nécessite qu'on retrouve évidemment les machines, qu'on utilise les machines de l'époque, qui sont en réalité aujourd'hui quasiment toutes en désuétude et qui ne fonctionnent plus, donc c'est extrêmement complexe. Et l'autre chose peut-être, l'autre donnée, c'était la question de la massification des sources audiovisuelles, numérisées ou nativement numériques, et qui pose d'énormes problèmes en réalité, puisque nous manquons finalement d'outils pour pouvoir traiter ces archives dans leur complexité et en particulier dans leur granularité. Aujourd'hui, la fouille des archives audiovisuelles reste un problème majeur et on n'a pas vraiment de logiciel d'annotation intrafilmique qui permette totalement de résoudre cet accès au contenu des archives audiovisuelles. Oui, et c'est tout de même très particulier, Christophe Gauthier. On a dit depuis le départ qu'il y avait une sorte de mépris pour ces archives pendant longtemps. Et aujourd'hui, on leur donne de la valeur, en tout cas de la valeur commerciale, de la valeur marchande. On se situe dans cette sorte d'entre-deux où on est d'un côté dans la valorisation commerciale, de l'autre côté dans une sorte de négligence parce que ça coûte cher, parce que c'est difficile à documenter, c'est difficile à conserver, parce que les supports ne sont pas pérennes, etc. C'est assez étrange, cette espèce d'entre-deux. Alors, je ne sais pas si on est dans un entre-deux ou si tout simplement on a passé un cap et on a une fois de plus peut-être changé de paradigme. C'est-à-dire que l'inflation archivistique dont parlait Hélène à l'instant, en réalité, elle est à la fois ancienne dans la mesure où on s'aperçoit aujourd'hui que la production de films, elle émanait aussi de tout un tas de gens dans le privé, tout ça, etc., et ce depuis très longtemps, mais elle est accrue par la possibilité de réaliser des images avec les appareils portatifs dont nous disposons tous, qu'il s'agisse donc de nos ordiphones, ou de nos tablettes, ou qu'il s'agisse de tout autre appareil qui évidemment rend d'autant plus insaisissable la matière considérable que tout un chacun produit chaque jour. Alors évidemment, ça nous amène à la manière dont ce type de document que nous créons est à la fois diffusé, puis collecter ou conserver, ce qui entre dans le champ de ce que l'on appelle aujourd'hui le dépôt légal du web, qui a été institué en 2006, et qui est un dépôt légal qu'il est impossible d'envisager de manière exhaustive, même si on se situe sur un plan utopique, dans la mesure où... C'est-à-dire comment conserver à chaque instant les sites qui évoluent chaque jour avec des contributions nouvelles, etc., etc. Absolument. Les sites et les réseaux sociaux. Mais oui, bien sûr. Les sites et les réseaux sociaux. Et donc le Code du patrimoine envisage, dès 2006 et dans les décrets d'application de 2011, de cette loi de 2006, un dépôt légal du web qui soit justement considéré comme sélectif, ce qui contrevient à la législation sur le dépôt légal telle qu'elle a été édictée depuis le XVIe siècle, mais en réalité il n'y a pas d'autre solution sous peine justement de tenter une collecte impossible. Toute la mémoire du monde. Et où on serait noyé justement en fait sous la masse archivistique. Sylvie-Line Lepergne. Oui, peut-être quelques données chiffrées pour vous donner la mesure de ça. Sur un sujet qui m'intéresse, les procès filmés. Pour Nuremberg, on a une quarantaine d'heures filmé en 35 mm. Pour le procès Eichmann, filmé en vidéo, hein, intégralement, 500 heures. Et pour aujourd'hui, pour le tribunal pénal international du Rwanda, 15 000 heures. Donc là, on voit la mesure de la massification dont parlait Hélène, qui pose de redoutables défis aux historiens. L'histoire est toujours connaissance lacunaire, mais en plus, elle doit faire face à la question du trop-plein. Et de ce point de vue-là, le philosophe Bernard Stiegler rappelle souvent que la technique, c'est à la fois le poison et le remède, mais on est effectivement obligé de se saisir, d'avoir une recherche appareillée et de repenser la recherche, ce qui n'est pas évident, dans une dimension collaborative. Hélène Flequinger, ces archives sur lesquelles vous êtes en train de travailler, archives audiovisuelles de l'Université de Vincennes, donc amassées par ces amateurs, filmées dès la naissance de l'université en 1969, vous en êtes où? On les verra au moment du cinquantenaire de l'université? Oui, alors il y a même la valorisation de l'archive. Absolument, bon, il y a déjà des éléments qui sont visibles, notamment sur un site internet, Archives Vidéo Paris 8, et vous allez trouver déjà toute une série de documents audiovisuels qui ont été numérisés et restaurés par Patrice Bénard, qui est ingénieur d'études à l'Université Paris 8 et qui a travaillé quand même depuis quelques années à leur sauvegarde. Et vous créez surtout aussi des archives, parce que vous faites des entretiens. Absolument, exactement. On fabrique, on provoque des archives. Des heures, on va t'en faire. Exactement, qu'il faut aussi documenter. Et c'est pas une mince affaire. Mais il y aura plein de choses visibles, évidemment, pendant le cinquantenaire, en amont et en aval, puisque le travail continuera aussi au-delà. Il y a du travail, assurément. Et justement, puisqu'on parle de valorisation de ces archives, saluons le travail, j'en ai parlé hier, mais j'ai mal annoncé le producteur de ce DVD qui est sorti hier, qui est sorti ces temps-ci, qui s'intitule Grand Soir et Beau Lendemain. Ce sont les films en particulier du Parti communiste, le cinéma militant, de la libération et de la guerre froide. C'est bien l'association Ciné-Archives qui me l'a signalé, qui en est le responsable à la fois de la restauration, de la conservation et de la publication en DVD de ces films. Rendons-leur hommage parce qu'ils font un travail depuis maintenant plus de 20 ans tout à fait considérable pour valoriser ce type de fond. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcé et Francesca Fossati. Jean-Frédéric était avec nous aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, nous continuons cette série sur les archives essentielles ou non, en nous intéressant à la façon dont l'État envisage la question des archives. Ça sera un débat pour conclure cette série.